Bonjour et bienvenue dans la 12e et dernière séquence du cours sur l'économie du document. Cette séquence est consacrée à la révision du cours en prévision de l'examen final. Pour vous aider dans cette révision, j'ai actualisé le document que vous aviez déjà réalisé collectivement sur le bilan des séquences de 0 à 7 et j'y ai ajouté aussi les liens concernant les séquences ultérieures. Vous disposez donc d'un document synthétique qui vous fournit les points forts et les points faibles de chaque séquence et qui vous permet aussi de retrouver l'ensemble des ressources proposées au cours du cours. Il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des étudiants pour leur réactivité. Chacun a pu voir ainsi combien l'apport de l'intelligence collective a été fructueux. Le cours va rester en ligne pour quelques mois encore. Et ceux qui le souhaitent pourront reprendre chacune des séquences, soit ponctuellement, soit dans leur continuité. Mais évidemment, la dynamique de l'échange aura disparu maintenant. Je donne rendez-vous en septembre 2013 pour ceux qui voudraient suivre le cours dans toute sa complétude. Nous le redémarrons donc pour la maîtrise en sciences de l'information de l'Université de Montréal, comme pour le master en architecture de l'information de l'ENS de Lyon. Et deux nouveautés, le cours sera élargi à l'ensemble de l'économie du web et non seulement à l'économie du document. Et par ailleurs, nous réfléchissons à un processus d'inscription ponctuelle pour faire de ce cours ce qu'on appelle aujourd'hui un MOOC, donc un cours non seulement ouvert en ligne comme celui-ci, mais qui pourrait être aussi certifiable au-delà des diplômes précédemment cités. En attendant, eh bien, bonne révision pour les étudiants inscrits au cours et bonne réflexion et bonne réussite pour l'examen de la semaine prochaine.